théories diffèrent en théorie. Quand on sait tous la merde arrive comme une météorite. Écoute ma théorie, mes théories, car je me fous les terroristes. Moi c'est les smicards qui me terrorise. Écoute en théorie diffèrent en théorie. Quand on sait tous la merde arrive comme une météorite. Écoute ma théorie, mes théories, car je me fous les terroristes. Moi c'est les smicards qui me terrorise. Le matin je me lève très tôt, sourire, salle de bain, petit déj, attaché case, porte-manteau. J'y prends les clés de mon auto, je pars pour le taf, ma fille me saute au cou. C'est quoi ton délire? Le matin je me lève pas poteau, à midi la gueule dans le pâté. J'suis pas content, gars, j'ai pas envie de papoter. Je me mets de côté comme une bouteille à décanter. J'attends que ma tête de con décampe comme un gros point de côté. Pour m'aider, je colle les massas dans la casa. Irritation de gorge et de cloison nasale. Le bourreau, je vis par la NASA. Écrasal, je sais que c'est NASA. Mais je pense qu'à ça, hélas, j'ai un casseau, ça classé parmi les parias. Mais je vois des bastos, gros consommateurs d'Aïa. À la vie, à la mort et en bon Gaïa. Qu'on me laisse fumer jusqu'à la fin, jusqu'au corbillard. Ma théorie sur la vie, c'est que c'est die-hard. L'ambiance, tu l'as pas vu, le lourd comme une chanson paillard. Des brouillards, je suis sur ma ligne des 20 yards. Des rouillards, regarde, un son et ma voix criarde. Écoute en théorie, diffère en théorie. Quand on sait tous que la merde arrive comme une météorite. Écoute ma théorie, mes théories, car je me fous les terroristes. Moi c'est les smicards qui me terrorisent. Écoute en théorie, diffère en théorie. Quand on sait tous que la merde arrive comme une météorite. Écoute ma théorie, mes théories, car je me fous les terroristes. Moi c'est les smicards qui me terrorisent. Théorie, j'aime frotter de la chatte et friter mon shit. Au studio lâcher des one shot et péter les machines. Imagine, magique et magique, c'est à qui t'es tagine. Du son dans la cabine, je suis rarement à jeun mais agile. Même quand ça gèle, je prends le mic, le micro, illico, et les mots sortent mortels comme dans la page nécro. J'ai trop envie de kétro, mon la salle passe de crème. Même si je louperai le métro, je me poserai la seule et je chanterai. J'ai moyen pas de rentrer, je taffe quand j'ai faim. J'ai moyen pas d'entrée ni de dessert, peut-être parce qu'on est vain. En effet, on est plein, et si vous saviez, on baisse la vie avec Viagra et poignée de gravier. Allez, gros, viens, je suis d'ici. Là où, quand ils prennent des vacances, on squatte des pistes dans leur piscine. Branché au poteau, car les temps sont bien difficiles. De platine, vinyle, un mic et de trois imbéciles. Écoute en théorie, diffère en théorie. Quand on sait tous que la merde arrive comme une météorite. Écoute ma théorie, mes théories, car je me fous les terroristes. Moi, c'est les smicards qui me terrorisent. Écoute en théorie, diffère en théorie. Quand on sait tous que la merde arrive comme une météorite. Écoute ma théorie, mes théories, car je me fous les terroristes. Moi, c'est les smicards qui me terrorisent. Ma théorie, c'est que je prendrai tout ce qui est à prendre. Gros chacal qui ferait les poches d'un type qui vient de se pendre. Oh. Gars, le monde est ainsi, je vais pas te l'apprendre. Je transforme les mégas en tas de cendres. Et ça, de janvier à décembre, et c'est ça. Jamais soucieux quand le ciel s'assombrit. Rarement sobre, et je te jure, je peux faire ça sans bruit. Et viens voir, on paie pas le gasoil, t'as pas compris. On éclate les réservoirs car l'état augmente trop son prix. En théorie, je squatte free toute la night. Un beat, une nappe, gars, je vois like it. Ma théorie à max, je braille pour égaler les mics. J'ai rarement la maille, donc je recolle mes Nike. Hey, tu veux que je t'affdie? Allonge la brique. Range ton CDI, tes primes allégées, ta trique. Je suis trimard d'intérimaire, j'ai besoin de fric. Même si pour eux j'ai droit qu'aux flics, aux emmerdes et aux smic. Écoute en théorie, diffère en théorie. Quand on sait tous que la merde arrive comme une météorite. Écoute ma théorie, mes théories, car je me fous les terroristes. Moi c'est les smicards qui me terrorisent. Écoute en théorie, diffère en théorie. Quand on sait tous que la merde arrive comme une météorite. Écoute ma théorie, mes théories, car je me fous les terroristes. Moi c'est les smicards qui me terrorisent. Ouais, c'est les smicards qui me terrorisent. Terroriste, écoute ma théorie, tout mon train de vie, Toulouse, de Scalquin, sa calte d'un gineste, j'y reste.